ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le plan Marshall, quand l'aide économique est au service de l'idéologie. Mr. Ambassador, it gives me great pleasure to be able to hand you these checks, which total $31,400,000. It is with deep emotion that I receive this token of the generosity of the American government and people. L'ambassadeur français à Washington qui remercie un représentant du gouvernement américain pour sa générosité dans les belles années du plan Marshall. Ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment l'incarnation très concrète de ce que sera ce plan Marshall, ce plan d'aide américain destiné à relever et à reconstruire économiquement l'Europe de l'après-guerre. Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1 800 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici 10 mois, l'Europe compte se redresser définitivement. Et l'on conçoit que les collaborateurs du président se soient partagés les porte-plumes qui ont servi à la signature. C'est le 3 avril 1948, le président Truman signe le plan Marshall. Quel objectif avaient en tête les Américains au moment où ils décident d'investir plus de 13 milliards de dollars de l'époque, c'est beaucoup, dans la reconstruction de l'Europe d'après-guerre? On en parle avec l'historien Éric Dussault. Éric, bonjour. Bonjour. D'abord, Éric Dussault, de quoi on parle? Si on fait plan Marshall 101 en un mot, de quoi on parle quand on parle du plan Marshall? Ben en fait, on a tiré des conclusions importantes de ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. On a vu en Allemagne les résultats de l'inflation, crise économique, tout ça. Lorsque l'économie ne va pas bien, les gens ne vont pas bien et à ce moment-là, c'est dangereux pour certaines idéologies de récupérer cette situation-là à leur profit. Après la Première Guerre, ça a été la montée d'Hitler et du national-socialisme. Exactement. Et là, après-guerre, bien évidemment, c'est le communisme qui fait peur. Après la Deuxième Guerre. Et à ce moment-là, on veut donner l'opportunité aux Européens de se reconstruire, de se moderniser aussi, c'est un des mots-clés de l'époque, pour que ces populations qui risquent peut-être de verser dans la pauvreté, une trop grande pauvreté, et peut-être à ce moment-là d'aller vers la séduction communiste, ouais. Peut-être à ce moment-là qu'on pourrait éviter ça en leur octroyant ouais. de l'argent. Mais quand on parle de générosité, on entendait la générosité tout à l'heure comme étant à l'origine de l'aide américaine. C'est une générosité qui a quand même des idées derrière la tête. Ouais. Générosité intéressée tout à fait. Pour des motifs politiques, éviter cette menace communiste, que le communisme se répande en Europe de l'Ouest, et puis un intérêt économique aussi. Les Américains, oui, vont donner. En grande partie, ce 13 milliards, c'est des dons. Il y a un peu de prêts, mais en gros, oui. c'est des dons. Ce sont des dons, évidemment, il y a des retours sur investissement. Oui, exactement, parce que l'économie européenne est liée à l'économie américaine. Alors, on donne de l'argent aux Européens pour qu'ils se procurent des matières premières, mais aussi des biens de consommation transformés, mais aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'on aide l'économie américaine en aidant les Européens. Ouais. Parce qu'on n'oublie pas qu'après la guerre, même aux États-Unis, la situation financière est difficile. Il y a des gens qui cherchent du boulot. C'est pas gagné d'avance que les États-Unis vont devenir ce qu'on va savoir par la suite à ce moment-là. Mais évidemment, en aidant l'Europe, on aide les États-Unis aussi. C'est très astucieux. Ouais. Et on s'assure de pouvoir prendre la relève de l'Angleterre en ce qui a trait à l'aide, à jouer le rôle de banquier, en quelque sorte, des Européens. Alors, on succède aux Britanniques et ça permet de faire du messianisme. Ouais. Parce qu'il y a un petit côté messianique quand même dans ce désir de jouer un nouveau rôle dans les relations internationales d'après 1945. Et c'est clair que le plan Marshall est le bras armé de cette ouais. nouvelle stratégie-là. On doit penser aussi à la doctrine Truman, hein, qui permet aux États-Unis, selon M. Truman, d'intervenir économiquement et militairement à chaque fois que les États-Unis jugent utile, ouais. cette intervention-là. Et ça, c'est un gros changement. C'est la fin de l'isolationnisme américain. Politiquement, cette doctrine Truman, c'est très, très important aussi. Tout à fait. Bon, revenons à la situation économique, parce que vous le disiez, on veut éviter que l'Europe, parce que cette Europe vit une situation économique très, très difficile. Est-ce que je peux donner des exemples concrets? Allez-y. Ben, par exemple, l'inflation en France, dans les années immédiates d'après-guerre, cette inflation-là peut dépasser 50-60%. Ouais. Vous imaginez, aujourd'hui, on parle de 2% d'inflation. Ouais. Imaginez 50%. La ration de beurre est plus petite après-guerre en France qu'elle ne l'est durant la guerre. Ouais. Le charbon est rationné jusqu'en 1953. Le pétrole est aussi une denrée assez rare. Donc, vous voyez le contexte, ouais, uniquement en France, mais en Europe en général. Situation très, à ce moment-là, très, très difficile. Très, très dur. Et l'hiver 47 a été extrêmement dommageable pour les cultures en Europe, le blé, tout ça. Et on se retrouve en besoin alimentaire, ouais, concret, là. Il y a une crise. Il y a une crise. Pour comprendre un petit peu l'ampleur, comprendre davantage l'ampleur de cette situation très difficile en Europe et justement particulièrement en France, je vous propose un extrait du documentaire de Daniel Costel, réalisé en 1974, « C'était hier ». Vous allez voir, on y décrit la situation de cette France de 1947. Le 19 novembre, le gouvernement Ramadier démissionnait et était remplacé par un gouvernement Schuman. Trois jours plus tard, la CGT décrétait l'arrêt général du travail et créait un comité national de grève. Dans plusieurs régions, le mouvement tournait à l'insurrection. Fin novembre, il y avait 3 millions de grévistes. Une série de sabotages semait la panique. Le train postal Paris-Lille déraillait à Arras. 16 morts, 30 blessés. À Clermont-Ferrand, au Mans, à Montpellier, à Lyon, les préfectures étaient prises d'assaut. À Marseille, 4000 manifestants envahissaient l'hôtel de ville, lynchaient le maire, M. Carlini, et menaçaient de le jeter par la fenêtre. Pendant deux jours, la rue appartenait aux émeutiers. Pendant des mois, la France vivait dans une atmosphère de guerre civile larvée. Le gouvernement rappelait 80 000 réservistes et en décembre, 75 usines occupées étaient évacuées par la force. Alors c'est le chaos, Éric Dussault, chaos économique, chaos social aussi en France, oui, en 47. Oui, la situation m'apparaît quand même un peu dramatique ici, là, mais c'est vrai que la situation ça brasse. Oui. Et d'ailleurs, ça se répercute d'un point de vue électoral, puisque le plus grand succès du Parti communiste français, c'est 1946, en novembre, il y a des élections législatives. Et imaginez-vous, 28,6% des gens, ouais, ont voté en faveur du Parti communiste français. À ce moment-là, du point de vue américain, ouais, y a une petite lumière rouge qui clignote, là. On est en panique parce que là, on se dit peut-être que les Français vont verser dans le communisme. Ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale, Pétain durant la guerre, là maintenant, on irait de l'autre côté vers, ouais, le communisme et on ne souhaite pas que ça arrive. Même chose en Italie. Et à partir de 1947, les communistes sont exclus des gouvernements. Ouais. À la fois en France et en Italie. C'est répandu, ce qu'on vient d'entendre pour la France, cette situation-là, ce chaos social et économique, c'est représentatif de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Europe à ce moment-là? Ah oui, quand même, passablement. D'ailleurs, c'est pas pour rien. En 1943, même durant la guerre, il y a l'UNRWA, hein, donc c'est une organisation onusienne qui vise à aider les Européens en situation de crise. Et cette situation de crise-là, les Américains, plutôt que de parler de soigner un bobo momentané, veulent solutionner le problème à long terme. Ouais. Donc, UNRWA, c'était bien pour de l'aide immédiate en situation d'urgence, mais les Américains voulaient que le problème soit résolu à plus long terme. Ouais. Et voyaient comment, oubliez pas, il y a le coup de Prague aussi en 1948, où finalement, c'est des communistes qui prennent le pouvoir. Et là, on a peur de la théorie du domino, que ça tombe un à la suite de l'autre, et que des grands pays occidentaux comme la France ou l'Italie puissent verser là-dedans. Ouais. Ça fait peur. Ouais. Donc, là, c'est la politique dont on parle, mais oublions pas que l'argent est derrière la politique, ouais, ouais, et elle a une visée purement politique et on veut empêcher ces pays-là de tomber, ouais, dans les bras du communisme. Mais avec toujours, vous disiez, il y a un intérêt dès le départ, au début de l'émission, vous disiez, il y a un intérêt à la politique et économique des Américains. à aider économiquement l'Europe, mais il y a en même temps une vraie volonté humanitaire, là, parce que cet organisme onusien, on en est là, c'est de la malnutrition dont on parle, on l'oublie, là, mais cette Europe-là, elle souffre de faim carrément, oui. De froid, c'est ça la situation. Tout à fait, et en France, on n'aura pas une croissance avant 1955, donc ça prendra 10 ans à la France pour se relever économiquement. Ouais. C'est quand même pas rien. La France, qui est un pays considéré comme un des plus riches de la planète, avec une armée après la Première Guerre mondiale qui est renommée à travers le monde comme étant probablement la meilleure ou même la plus puissante. Et puis là, on se retrouve finalement à quémander de l'aide aux Américains. N'oubliez pas le coq français, là, le français, il est fier. Ouais. Et cette idée qu'il doit accepter l'aide américaine, c'est honteux. Il y a vraiment un sentiment national heurté. On est content d'obtenir cette aide-là, mais en même temps, on se sent profondément honteux de l'accepter. Ouais. Mais il faut faire attention. Les Français l'acceptent, mais quand même à leurs conditions et à certains moments clés, ils vont intervenir pour ne pas donner l'impression qu'ils ne font que recevoir l'aide. Ils vont aussi négocier avec les Américains pour que ça se fasse quand même de la façon dont ils le souhaitent. Ouais, c'est leur façon de manœuvrer. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, mais ils vont essayer d'orienter la façon dont ça va se faire. Ouais. Parce que les Américains sont très exigeants. Qui de fait accepte? Donc, la France accepte? Il y a 16 pays au total qui vont accepter. Les deux plus grands récepteurs de cette aide, c'est la France et puis l'Angleterre, qui sont évidemment très meurtris après la guerre et qui sont des pays sur lesquels on doit s'appuyer. Il y a l'Autriche aussi. Il ne faut pas oublier l'Autriche, qui est un pays important. La Deuxième Guerre mondiale a un lien avec ce pays-là. Hitler est autrichien à l'origine. Et puis, il y a l'Anschluss, donc l'Allemagne qui met la main sur l'Autriche. Et on veut stabiliser cette Autriche-là. Et il y a un film bien connu d'Orson Welles, Le Troisième Homme, qui raconte la présence alliée en Autriche. C'est la même chose en Allemagne aussi. Jusqu'en 1949, où là, l'Allemagne est séparée en deux, évidemment. Donc, le plan Marshall va aussi être déployé en Allemagne. Oui, mais dans la partie occidentale. Ouais. Voilà. Ben, en fait, ça va être les Américains qui sont sur place dans leur zone d'occupation, qui ont joué un grand rôle dans la diffusion de la culture américaine. Ça, on n'en a pas parlé encore. Il y a de l'argent, mais il y a aussi des idées. Ouais. C'est l'American way of life qu'on veut répandre. On veut américaniser l'Europe. Effectivement. Et pour ce faire, il y a des émissions de radio, il y a de la propagande papier, il y a des documentaires. Si vous recherchez dans Google, vous allez en trouver plein, de la pure propagande. Les moyens sont importants. Vous parliez, Éric Dussault, de ces deux pays, France et Italie, où il y a une force politique communiste qui monte et qui agace passablement Washington. Extrait très révélateur d'un film produit à l'époque par le ministère de l'Agriculture français qui décrit, vous allez voir, c'est assez extraordinaire, qui décrit la réalisation en 1949 d'un projet d'aqueduc dans un village italien grâce au plan Marshall. Lorsque la distribution d'eau potable est faite, chacun fait usage avec parcimonie de sa maigre ration. Attention de ne rien laisser perdre, chaque goutte compte. L'eau sale elle-même peut servir. Qu'ils sont heureux, ceux qui n'ont qu'à tourner un robinet, dispensateur d'hygiène et de santé. Lorsqu'un beau matin... Quels sont ces étrangers? Ces citadins aux airs affairés? Des touristes? Ils n'en ont pas l'air. Ils sont allés à la mairie. Et déjà, le bruit court qu'ils sont venus pour étudier les moyens de faire venir l'eau jusqu'au village. Mais qui peut croire à une telle réalisation? On en parle depuis des siècles. La fontaine est maintenant construite. De ce petit tuyau jaillira bientôt le jet bénéfique. Tout est prêt pour le recevoir. Et les générations à venir ne connaîtront plus la tristesse de vivre dans un village sans eau. Ça, c'est assez formidable. On est en plein délire propagandiste. Il manque juste l'effet sonore de la baguette là, magique. Ting! C'est un conte de fées. On décrit ça, cette aide-là, comme un conte de fées. On conçoit bien que ça peut faire une différence dans la vie des gens, mais quand même, le ton de ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y en aura beaucoup? Est-ce que ce sera ça? Est-ce qu'il y en aura beaucoup de ces messages carrément propagandiste? Ah oui, c'est clair. Mais ce qui me frappe, moi, c'est un discours... C'est comme si on s'adressait à un pays en développement. Oui. Hein? Vous voyez, il y a un parallèle à faire. Nous avons les moyens, nous avons le savoir, nous avons de quoi changer votre vie. Nous vous sauvons. Nous vous sauvons. Et on dit ça à un pays comme la France ou comme l'Angleterre ou comme l'Italie qui ne sont quand même pas nés de la dernière pluie et qui n'ont pas l'habitude d'être traités comme ça. Par ces populations? Ben, parfois, ça manque de subtilité. C'est ça le problème avec la propagande américaine. Parfois, ça y va va un petit peu trop directement et ça met un peu trop à l'avant-plan peut-être ce côté messianique. Mais oublions pas que l'américanisation n'aurait pas eu le succès qu'elle a quand même obtenu en Europe occidentale à ce moment-là et en Europe centrale si ça avait été trop gros. Ouais. Donc, on s'est quand même adapté aux situations locales et on a bien compris qu'il fallait quand même jouer plus subtilement que ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Mais il y a subtilité et subtilité, on va quand même faire bien comprendre que c'est nous qui est derrière cette aide-là. Et c'est clair que les perceptions vont varier. Je connais bien la France puisque c'est mon sujet de prédilection. En France, on va avoir une réaction double. Il y a une minorité qui sont anti-américains, qui sont proches du Parti communiste ou qui sont carrément membres du Parti communiste français ou qui sont marxistes et qui vont parler très fort et qui vont s'opposer. C'est ce qu'on va voir sur les murs en France. On va souvent voir « Yankee go home ». Ça, c'est le versant négatif sombre de l'affaire. Et ça, c'est le mouvement ouvrier. C'est les intellectuels qui souffrent presque, je pense, à Sartre à l'époque. La rive gauche, mon champ de spécialisation, Saint-Germain-des-Prés, tout ça. Qui font presque cette intelligentsia de gauche, de la rive gauche, fait presque de l'aveuglement sur ce qui se passe du côté soviétique. Le délire communiste idéalisé. Oui. Donc, on est un compagnon de route. Chez Sartre, on n'est pas membre du Parti communiste, mais on est un compagnon de route. Et même si on est allé en URSS et qu'on revient et qu'on a vu des choses un peu étranges, on va dire l'anticommunisme, ceux qui sont partie prenante de ça, ce sont des chiens. Hein. C'est ce que va dire Sartre quand même. Mais ça, c'est une minorité qui parle beaucoup. Ouais. Dans les faits, tous les sondages d'opinion qui sont faits dans l'après-guerre, oublions pas que c'est le début des études sociologiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, le développement de l'école de Chicago et tout ça. Donc, on s'intéresse à l'opinion publique de plus en plus et les différents sondages en France prouvent que les Français sont majoritairement anticommunistes, pro-américains, mais à condition, évidemment, qu'on ne leur fasse pas sentir que cette aide-là vise à les humilier. Cette fierté dont vous parliez. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a un historien qui va parler de dépendance consentie. Ça, c'est une belle expression pour bien résumer la situation de la France, par exemple, avec l'aide américaine. Bon, le plan Marshall, quand même, a de manière plus ou moins subtile, cette volonté propagandiste, cette volonté surtout d'imposer cette vision du monde, le modèle américain, la manière de vivre à l'américaine, la manière de faire des affaires. Il y aurait des ateliers, là, on fera venir des Français aux États-Unis pour leur montrer, voici comment ça se passe. Des missions de productivité. Imaginez. Voilà. On écoute à ce sujet, vous allez voir, c'est assez extraordinaire comme extrait. On a de bons extraits aujourd'hui. Deux commentateurs américains qui décrivent je pense qu'on doit parler d'arrogance. Cette arrogance de l'après-guerre, extrait tiré de l'émission USA 30 ans d'histoire diffusée en 1976. Nous étions les gens qui étaient victorieux. C'était à cause de nous. Nous étions absolument convaincus que les États-Unis gagnent la guerre. Pas la France, pas Grande-Bretagne, pas les Russes, personne. C'est nous. Nous étions les plus forts, les plus beaux, les plus riches, le pays le merveilleux, les filles les plus belles, la musique le plus chantant, si vous voulez. Non, nous étions des grands héros. Tout était possible pour nous. L'Europe a été démolie, l'Europe a été détruite. Si nos usines étaient les premières usines du monde, c'est que les usines en Europe étaient en cendres. Le monde entier, regardez vers l'Amérique, donnez-nous de l'argent, aidez-nous. Évidemment, ça prouvait que nous étions supérieurs. Et cette expression vraiment injuriante, blessante américaine, le « know-how », ça veut dire que moi, je sais tout. C'était le sait-toutisme américain qui était extrêmement blessant pour l'amour propre, non seulement de nos amis européens, mais pour des Canadiens et pour les autres aussi, tous les gens du monde. Je ne dis pas que l'Amérique peut se vanter de certaines gloires, seulement on a beaucoup exagéré. Au final, Éric Dussault, est-ce que ça marchera, cette entreprise d'essayer de faire de l'Europe une Europe plus américaine? Est-ce que les traces, quand on regarde avec le recul, quel héritage ça laisse? Oui, ben ça prépare en fait l'américanisation comme on l'aperçoit à l'époque, entre autres par exemple la maison individuelle. Ça, c'est un impact concret du passage des Américains en sol européen, de l'aide qui leur est accordée. Ça sera particulièrement le cas en Autriche, ça sera le cas aussi en Allemagne de l'Ouest. Donc, deux endroits particuliers en Europe où ce modèle-là va bien se répandre. En France, c'est plus compliqué. On en prend puis on en laisse. Selon le cas. Faut quand même admettre que les Américains ont investi 1,2 % du produit national brut dans ces 13 milliards de dollars investis à l'Europe. Donc, il faut reconnaître quand même que c'est un apport important. 1,2 % de leur propre PNB s'en va en aide européenne. Exactement. Dans le cadre du plan Marshall. Le plan Marshall, ça constitue une partie de l'aide américaine. On n'en a pas parlé, mais il y a d'autres millions de dollars qui seront investis avant et ensuite pour continuer l'aide. Notamment à partir de 1951, l'aide du plan Marshall se termine. Le plan Marshall, c'est 1948 à 1951. 1951, guerre de Corée. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on donne de l'argent européen, mais pour qu'il se remilitarise. Donc, économiquement, politiquement, est-ce qu'ils atteignent leur objectif, les Américains? Oui, c'est très clair. Ça fait unanimité. C'est un succès. Par contre, là où il y a plus de doutes, c'est en fait le mélange entre l'aide américaine et le fait qu'il y a une croissance européenne au même moment. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui relève du plan Marshall et qu'est-ce qui relève de la croissance européenne. Donc, les critiques les plus acerbes à l'égard du plan Marshall vont dire qu'ils se sont attribués le total relèvement de l'Europe. Or, il faut admettre que même sans le plan Marshall, l'Europe se serait reconstruite, mais beaucoup moins rapidement. Alors, c'est sûr que le facteur rapidité est important, mais de là à dire que l'ensemble de la reconstruction, de la modernisation de l'Europe est attribuable aux Américains, il ne faut pas exagérer non plus. C'est là où les critiques sont le plus nombreuses. Mais sinon, on s'entend pour dire que c'était une aide généreuse, mais évidemment orientée, mais qui a été un succès. Et puis évidemment... Puisque le communisme n'a pas finalement pris le pouvoir en France, par exemple, ou en Italie. C'est ça aussi. Électoralement parlant, les partis communistes occidentaux n'ont... On fait chou blanc. On fait chou blanc, exactement. Ouais. Et puis, ce sera aussi les débuts probablement de cette Europe politique qui verra le jour un peu plus tard, parce que le plan Marshall oblige les pays européens à coopérer ensemble. Ça, c'est peut-être moins connu, mais en fait, l'OECE, qui précède l'OCDE, donc une organisation qui vise à consolider les économies européennes des 16 membres là, qui ont accepté l'aide Marshall, les Américains forcent les Européens à gérer le fonds qui leur est attribué à l'échelle nationale et à collaborer ensemble. Donc, c'est le début d'une union économique européenne qui va se concrétiser après 1950-1951 par la communauté économique européenne. Ouais. On va ensuite mettre le charbon et l'acier en commun parce que l'objectif de l'Union européenne tel qu'on l'aperçoit à l'époque, c'est aussi de pacifier éternellement les mœurs entre la France et l'Allemagne, deux pays qui se sont fait la guerre pendant des décennies. Et puis là, ils doivent s'y mettre leur charbon et leur acier ensemble et s'ils collaborent sur un point d'un point de vue économique, avoir des relations pacifiées. Ouais. Donc ça, c'est un élément important et c'est ce qui est à l'origine de la construction européenne telle qu'on la connaît à l'époque, mais telle qu'elle va se développer jusqu'à aujourd'hui, la politique des petits pas. Éric Dussault, historien, collaborateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci Éric. Ça me fait plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de l'émission, Caroline Morin et André Martineau à la recherche, recherche d'archives, Mario Bolduc, site internet Mathieu Arsenault à la technique aujourd'hui, Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.